qui écoutez France Culture, n'hésitez pas, aidez-nous à inventer son avenir. C'est très simple, vous pourrez exprimer toutes vos idées sur le futur de votre radio. Un nouveau programme, de nouveaux services, surprenez-nous. Pour participer à cette consultation ouverte à tous, rendez-vous sur maradiodemain.fr. Bonjour Tiphaine et bonne fin d'après-midi à vous. Nous, on continue à parler d'Edgar Allan Poe. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui jeudi, dernier moment de notre série consacrée donc à Edgar Allan Poe dans la compagnie des auteurs, à l'occasion de la nouvelle traduction de ses œuvres complètes, dont le premier volume vient de paraître, c'est aux éditions Phébus. Sa vie a été marquée par de nombreuses absences, celle de son frère, mort très jeune, de sa mère, morte également quand il n'était qu'un petit enfant, de son père disparu dans les mêmes parages, puis de sa femme, décédée également jeune, quelques années avant que lui-même ne trouve la mort à l'âge de 40 ans, en 1849. Une vie tragique qui a bien souvent servi à expliquer le ton de son œuvre, une vie qu'a retracée pour nous Isabelle Viéville de Georges dans notre émission de lundi dernier. Et puis mardi, nous avons cherché à mieux comprendre le projet littéraire d'Edgar Poe, cet homme qui allait jusqu'au bout de la prose, pour reprendre le titre du livre d'Henri Justin, qui était notre invité. Enfin hier, avec Thierry Gilibeuf, nous avons poursuivi cet exercice de compréhension de l'œuvre, en revenant en particulier sur l'importance du passage par Baudelaire dans l'image que nous avons de lui. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour un dernier point de vue sur Edgar Poe et son œuvre, où il sera également question de Baudelaire de nouveau, mais aussi du double assassinat dans la rue Morgue ou encore des aventures d'Arthur Gordon Pym. Nous sommes en votre compagnie, Jean-Pierre Nogrette, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de littérature anglaise à Paris 3, mais également traducteur, essayiste et romancier. Vous êtes spécialiste des œuvres de Stevenson, d'Arthur Conan Doyle et donc d'Edgar Allan Poe, dont vous avez dirigé plusieurs éditions des œuvres, notamment la grande édition des histoires, essais et poèmes au livre de poche. Vous avez édité également les aventures d'Arthur Gordon Pym en 2011. Vous vivez donc dans la compagnie des spectres inventés par Edgar Poe, mais aussi dans la compagnie des spectres inventés à partir de Poe, puisque nous sommes dans une époque où cet écrivain est encore très présent. On peut même dire, Jean-Pierre Nogrette, qu'il est devenu une figure culturelle à part entière. Oui, puisque, en effet, je ne sais pas si je vis en compagnie des spectres, mais en tout cas... Comme beaucoup de spectres, non, chez oui, oui, bien sûr. Mais en tout cas, ce qui est vrai, je relisais récemment, avant cette émission, une nouvelle de Borges qui s'appelle « La mort et la boussole ». À l'évidence, cette nouvelle qui met en scène un détective qui s'appelle Honoroth, qui se prend, dit Borges, pour un raisonneur comme Auguste Dupin, ce détective se fait prendre littéralement dans une sorte de labyrinthe, comme dit Borges, souvent chez Borges, et ce labyrinthe, à l'évidence, est inspiré de Poe, c'est-à-dire que le détective se croit être un Dupin qui va trouver la solution, etc. Et en réalité, il se fait prendre dans une machination ourdie par Borges, mais en quelque sorte en hommage à Poe. Et il y a aussi des hommages dans le cinéma, dans la musique, on le verra. Dans la musique, bien évidemment. Comment est-ce que vous décririez cet univers d'Edgar Poe? Quels en seraient pour vous les déterminants principaux? Parce que si ça infuse tellement dans la culture populaire, si les adolescents américains encore aujourd'hui se sentent proches de lui, c'est bien qu'il doit y avoir une force à cet univers-là. C'est un univers. On dit souvent que c'est un univers évidemment macabre, parfois proche du grotesque. Le mot, l'adjectif grotesque hein, apparaît souvent dans les nouvelles de Poe. Et en même temps, ce qui m'intéresse, c'est que c'est un univers extrêmement construit intellectuellement et en même temps du point de vue narratif extrêmement habile sur le plan narratif. C'est-à-dire que c'est à la fois on dit bien évidemment que Edgar Poe a inventé le roman policier avec les meurtres dans la rue Morgue, ou le double assassinat comme dit Baudelaire hein, dans la rue Morgue. C'est une invention totale. Invention totale. C'est pas du tout ça, le titre original. Le titre d'original, c'est plutôt meurtre dans la rue, au pluriel dans la rue Morgue, hein, et Baudelaire dit double assassinat. Bon, c'est mieux ou pas d'ailleurs, une petite parenthèse. Moi, je serais plutôt tenté de dire plutôt meurtre au pluriel dans la rue Morgue. Non, mais double assassinat, c'est encore plus fort. Il y en a deux fois plus. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, il y a un aspect extrêmement spéculatif, intellectuel, recherché. C'est un adjectif aussi qu'il utilise même en français parfois, hein, recherché. Qui va donner bien sûr plus tard le roman policier moderne au sens de Sherlock Holmes, puisque Conan Doyle lui aussi a lu Poe dans sa jeunesse, dès l'âge de 15 ans. Doyle a été fasciné par Poe très vite, et évidemment, on en reparlera peut-être, mais il y a beaucoup de nouvelles de Sherlock Holmes qui sont inspirées de Poe, notamment dans la lecture des chiffrements, des cryptogrammes, hein, des messages secrets. Et là, le Scarabée d'or a eu une influence également considérable, y compris sur le roman policier. Donc, voilà, c'est vrai que c'est un univers extrêmement savant, compliqué, pétri de références littéraires. Je ne sais pas si les adolescents auxquels vous pensez ont lu tout ça, mais en tout cas, c'est vrai que ça crée un univers. Ils aiment le gothique en tous les cas de cet voilà, univers. Voilà, mais c'est un univers à nul autre pareil. Et moi, je me demande souvent qu'est-ce que j'aurais été si je n'avais pas lu des grands auteurs comme Poe. Vous pensez que ça a totalement changé votre manière de voir le monde? Ah, ça a changé ma vie complètement. Oui, c'est-à-dire que si je vis, c'est tenté que je vive dans les livres et non pas dans les spectres. Mais ça peut parler. C'est ce que dit, vous savez, ce que dit Borges. Hein, il dit de toute ma vie, je n'ai jamais quitté la bibliothèque de mon père. Et c'est vrai que quand on vit un peu dans les livres, comme c'est mon cas, on se dit que un auteur comme Poe change, qu'on le veuille ou non, votre vision du monde. Et je pense que c'est lié bien évidemment à des lectures d'enfance. Lorsqu'on a, on le lit pas tout petit enfant, Edgar Poe, hein, bien sûr, hein, contrairement à d'autres auteurs comme Kipling peut-être, mais autour de 15-16 ans, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe en nous lorsqu'on commence à le lire. Vous vous souvenez de votre première lecture, de votre premier livre d'Edgar Poe? Oui, je pense que c'est le Scarabée d'or justement, hein, que j'ai lu en premier, et c'est pas un hasard si après j'ai lu assez naturellement L'île au trésor de Stevenson, puisque Stevenson se réclame lui-même de Poe dans un essai qu'il a écrit après coup, après avoir écrit L'île au trésor. Et L'île au trésor est une réécriture du Scarabée d'or, sauf que chez Poe, et c'est là qu'on retrouve son esprit logique, mathématique, son obsession de la démonstration, etc. Chez Poe, le cryptogramme est déchiffré et permet d'arriver au trésor. Hein, donc, il y a une sorte de satisfaction intellectuelle à décrypter le cryptogramme, puisqu'en même temps on arrive à la fortune, hein, donc c'est satisfaisant sur tous les plans, alors que dans L'île au trésor, Stevenson reprend des éléments à Poe, il reprend le coffre enfoui, il reprend le cryptogramme du vieux pirate, etc. Mais c'est là toute la différence, c'est lorsqu'on arrive à la cache où le trésor est enfoui, cette cache est vide. Mm-hmm. Hein, et il y a donc une perte dans L'Îlot Trésor. L'Îlot Trésor, je le pense depuis longtemps, est un roman en fait très très sombre. Contrairement à ce qu'on croit, on croit que c'est souvent un roman pour jeunes garçons, etc. C'est comme ça qu'il avait été conçu au départ, mais en réalité c'est un roman extrêmement sombre où les meurtres s'accumulent. Alors là, c'est pas double assassinat, c'est vraiment multiples assassinats. Tout le monde se tue sur l'île, hein, et en réalité, le trésor n'est pas du tout là où le jeune garçon croit qu'il est. Vous êtes en train de nous dire que finalement, Poe, dont on considère qu'il est le plus sombre des deux, en fait, serait plus léger. Oui, parce que le Scarabée d'or n'est pas une nouvelle sombre. Alors il y a des éléments, de ce qu'on pourrait appeler le gothique américain, peut-être. Hein. Il y a notamment une insistance. Alors aujourd'hui, ça nous choquerait énormément. Ça peut nous choquer énormément sur la noirceur du noir, hein, de la négritude, on ne dit même pas. C'est vraiment le nègre, hein, ou le noir, hein, qui est présenté comme une sorte d'imbécile. Lorsque son maître lui demande de respecter les consignes, hein, il lui dit il se trompe, il connaît pas la droite de sa gauche, donc il met le fil tendu dans le sur l'œil droit du crâne au lieu de l'œil gauche, et il est traité vraiment d'imbécile. Donc il y a des éléments de gothique, mais disons que c'est l'univers du Scarabée d'or est extrêmement rassurant. Parce que tout fonctionne très bien. Vous avez le scarabée, le parchemin. Sur le parchemin, qu'on découvre des signes, sur le parchemin, on a une sorte de rébus ou de cryptogramme. Mais après tout ça fonctionne parfaitement, puisqu'on trouve le trésor au bout du compte. Ce qui n'est pas du tout le cas chez Stevenson. Et je soutiens le paradoxe que Stevenson est plus sombre que Edgar Poe sur ce plan. Bon, il faut relire en parallèle ces deux œuvres. Alors vous avez donc édité notamment ces histoires, essais et poèmes à la Pochothèque dans un ordre qui est l'ordre de Baudelaire. Et j'aimerais bien qu'on reprenne un petit peu cette histoire de la mise en recueil, d'abord par Poe, puis ensuite par Baudelaire, de ces contes, parce qu'on les connaît dans un certain ordre, qui signifie quelque chose. Bon, pour commencer, comment est-ce que Poe lui-même concevait la mise en recueil de ses contes, et qu'est-ce qu'il voulait faire dire finalement en les mettant, en les organisant comme il l'a fait? Ben, au départ, vous savez, ces contes, comme souvent à l'époque, ces contes étaient publiés de manière ponctuelle, c'est-à-dire que Poe soumettait une histoire à tel ou tel magazine, hein, mettons le Putnam Magazine, mais aussi des magazines qui ne diraient pas grand-chose aujourd'hui, et un peu au coup par coup, hein, il publiait ces contes. Alors je ne suis pas certain que Poe lui-même ait voulu créer une architecture spécifique. Ça, personnellement, j'y crois pas trop. Mmh. Je pense que il a fait comme il a pu. Il les a rassemblés un petit peu au coup par coup. Et c'est plutôt Baudelaire ensuite qui a essayé, qui a fait un choix. Parce que lui, au départ, en 1833, il avait un projet qui était de faire un recueil intitulé Tales of the Folio Club. C'est ça. Donc là, il y avait une volonté quand même d'organiser d'une certaine façon, mais bon, qui n'est peut-être pas si pensé que ça, après tout. Oui, mais Folio Club, ça veut pas dire grand-chose. En fait, c'est un peu, ça relève aussi un petit peu de la supercherie, parce que le Folio Club n'existait pas. Hein, et Poe, je crois, j'aimais oublier, hein, on en reparlera sans doute, hein, cet aspect chez lui qu'on trouve tout le temps, c'est-à-dire la supercherie littéraire, hein, comme celle du fameux Canard au ballon, hein, qui est une série de manuscrits qui sont complètement présentés comme authentiques et qui en réalité sont faux. Et je pense pas qu'il ait pensé à un ordre vraiment très très très particulier, hein, franchement. Alors il avait pensé donc à un titre donc Tales of the Folio Club, il avait pensé à un autre titre, sans doute plus intéressant, Tales of the Grotesque and Arabesque, c'est le titre qu'il a finalement choisi en anglais. Alors, grotesque, on voit un petit peu, d'ailleurs, vous avez mentionné déjà cet aspect des choses, mais arabesque, pourquoi, d'où ça vient, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, arabesque, c'est un mot très important chez Poe, parce que je crois que ça touche véritablement à son imaginaire littéraire, au sens à son principe d'écriture et de composition. Alors, parce que d'un côté, il y a énormément de contradictions chez lui, parce que d'un côté, dans ses essais, il développe l'idée que chaque texte, chaque nouvelle doit être composé de manière extrêmement stricte. Hein, c'est la philosophie de la composition. Hein, cette idée que chaque mot doit être organisé pour créer une sorte de réseau de signification. Et c'est vrai que sur le plan stylistique, hein, quand on lit certaines nouvelles, je pense à Ligeia, ou même au cœur révélateur, on voit très bien, et je le vois chaque semaine pratiquement avec mes étudiants, que chaque mot compte, chaque mot est placé là où il faut, et si vous prenez Ligeia par exemple, il y a une répétition systématique, une sorte de martèlement de la sonorité du prénom Ligeia. C'est un maître dans l'art du roman, enfin du roman non, dans l'art du conte. Dans l'art du conte, et au sens où ce sont des contes extrêmement composé, hein, c'est le mot composition que Poe privilégiait. Donc sur le plan, je crois, sur le plan stylistique, on peut dire que c'est extrêmement composé. Comme une arabesque, comme des arabesques. Non, parce que justement, il y a une méthode très stricte d'écriture. Mais en même temps, vous avez raison, au sens où l'arabesque, ça veut dire que à partir de ce schéma que Poe tient peut-être d'ailleurs de la poésie, hein, parce que justement, dans sa poésie, on retrouve également ce rythme incantatoire, ces répétitions, ces échos, etc. Et l'arabesque, ça veut dire qu'à partir de ce schéma, hein, qui est extrêmement formalisé, en quelque sorte, hein, à ce moment-là, l'arabesque permet de faire pivoter tous ces mots, ces motifs, hein, dans des compositions alors un peu digressives ou proliférantes. Il y a énormément de digressions chez Poe, hein, y compris dans la chute de la maison Usher ou dans d'autres contes. On voit tout d'un coup le narrateur digresser. Apparemment, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'histoire, mais il va faire des digressions sur les mathématiques, sur l'astronomie, sur etc., pour reprendre ensuite son motif, hein, et le travailler. Donc vous avez d'un côté, sur le plan stylistique, une sorte de souci, hein, du mot juste et de la précision de chaque mot est à sa place. Hein, et du point de vue, cette fois-ci, de l'imaginaire, hein, il y a une sorte de spirale ou d'arabesque digressive, hein, qui crée une sorte de dynamique interne. Mmh. Alors, sur la mise en recueil des contes, Jean-Pierre Nogrette, on sait que Baudelaire, lui, a choisi de ne pas les présenter dans un ordre chronologique. Qu'est-ce qui a guidé son idée? Et en quoi finalement est-il un inventeur de Poe simplement par le choix qu'il a fait de faire se succéder dans un ordre et pas dans un autre ses contes? Bien, tout d'abord, c'est Baudelaire, hein, qui a choisi. Si on prend, j'ai sous les yeux le facsimilé des Histoires extraordinaires publié chez Michel Lévy en 1856, hein, on voit Histoire extraordinaire par Edgar Poe, traduction de Charles Baudelaire. Hein, et il va de soi que c'est Baudelaire qui a choisi le titre même des histoires extraordinaires. Hein. C'est un bon titre. Comme vous, moi je trouve. Là, je crois que moi ça me fait toujours penser évidemment au voyage extraordinaire de Jules Verne, hein, lequel Jules Verne a écrit, comme vous le savez, une suite à Gordon Pym, hein, le Sphinx des glaces. Mais là, pour le coup, je crois que Baudelaire a une idée de génie, hein, de choisir tout de suite Histoire extraordinaire, qui résume en quelque sorte. Et alors là, c'est lui qui décide, par exemple, de commencer par. Là, je prends l'édition Folio que j'ai dirigée, Folio classique. Hein, et il commence, par exemple, ce qui, après tout, peut se justifier. Hein, il commence par justement double assassinat dans la rue Morgue. Alors pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie de commencer par là? Ah ben, je crois que pour Poe, commencer par la rue Morgue, hein, cette fameuse rue Morgue, hein, qui, comme on le sait, n'existe pas à Paris. Là, je crois que là, il y a un choix très fort, hein, parce que justement, les premières lignes, hein, quand on relit les premières lignes du double assassinat dans la rue Morgue, on voit justement une sorte de à l'œuvre, hein, cette forme de digression dont je parlais à l'instant, hein, c'est-à-dire ce narrateur qui nous fait une sorte de cours, hein, ce narrateur très professoral qui nous fait un cours, hein, sur l'analyse, hein, sur le raisonnement, la résolution des énigmes, etc. Et qui nous dit au bout de quelques pages, hein, alors là on se dit, mais est-ce qu'on est dans un traité d'analyse, etc. Et puis il nous dit, le récit qui suit sera pour le lecteur un commentaire lumineux des propositions que je viens d'avancer. En d'autres termes, ce qui suit, c'est-à-dire le cas que Dupin va bientôt résoudre, est présenté comme, au fond, l'illustration ou le commentaire, hein, d'une sorte de préambule, de prolégomène théorique, hein. Et ça, c'est un petit peu comme la concrétisation d'une idée dans un essai. Il y a un petit peu ce côté-là, peut-être, chez Edgar Poe. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de préambule théorique de la part du narrateur, dont on ne sait rien, d'ailleurs. Hein. C'est un narrateur parfaitement anonyme. Hein. On pourra en reparler, parce que plus tard, on verra que Conan Doyle va reprendre ce modèle du duo, hein, d'un narrateur et d'un investigateur. Avec Sherlock, hein, Holmes. Avec, oui. Sherlock Holmes. Mais là, en l'occurrence, c'est quelque chose de complètement différent du futur Dr. Watson, hein, qui lui est incapable de tenir des raisonnements aussi complexes. Bah, avant de parler de ça, je vous propose d'écouter justement un extrait de ce double assassinat dans la rue Morgue, dans la voix de Brigitte Catillon. Maintenant, examinons la boucherie en elle-même. Voilà une femme étranglée par la force des mains et introduite dans une cheminée la tête en bas. Des assassins ordinaires n'emploient pas de pareils procédés pour tuer. Encore moins cachent-ils ainsi les cadavres de leurs victimes. Dans cette façon de fourrer le corps dans la cheminée, vous admettrez qu'il y a quelque chose d'excessif et de bizarre, quelque chose d'absolument inconciliable avec tout ce que nous connaissons en général des actions humaines, même en supposant que les auteurs fussent les plus pervertis des hommes. Songez aussi quelle force prodigieuse il a fallu pour pousser ce corps dans une pareille ouverture et l'y pousser si puissamment que les efforts réunis de plusieurs personnes furent à peine suffisants pour l'en retirer. Portons maintenant notre attention sur d'autres indices de cette vigueur merveilleuse. Dans le foyer, on a trouvé des mèches de cheveux. Des mèches très épaisses de cheveux gris. Ils ont été arrachés avec leurs racines. Vous savez quelle puissante force il faut pour arracher seulement de la tête 20 ou 30 cheveux à la fois. Vous avez vu les mèches en question aussi bien que moi. À leurs racines grumelées, affreux spectacle, adhérer des fragments de cuir chevelu. Preuve certaine de la prodigieuse puissance qu'il a fallu déployer pour déraciner peut-être 500 000 cheveux d'un seul coup. Si maintenant, subsidiairement, vous avez convenablement réfléchi au désordre bizarre de la chambre, nous sommes allés assez avant pour combiner les idées d'une agilité merveilleuse, d'une férocité bestiale, d'une boucherie sans motif, d'une grotesquerie dans l'horrible, absolument étrangère à l'humanité, et d'une voix dont l'accent est inconnu à l'oreille d'hommes de plusieurs nations, d'une voix dénuée de toute syllabisation distincte et intelligible. Or pour vous, qu'en ressort-il? Quelle impression ai-je faite sur votre imagination? La compagnie des auteurs sur France Culture, c'est une bonne question ça. qu'est-ce que ça produit sur l'imagination? Quelle impression ai-je faite sur votre imagination? À part évidemment que ça fait mal au cuir chevelu d'écouter cet extrait. Tout est dans l'effet chez Edgar Poe. Et là, il y a vraiment un effet sur l'imaginaire, non? Alors il y a d'autant plus un effet sur l'imaginaire que quand on regarde la méthode, c'est ce qui suit en fait l'extrait qu'on vient d'entendre, la méthode utilisée par Dupin et le raisonnement tenu par Dupin, c'est un raisonnement assez étrange quand on le regarde parce que en quelque sorte Dupin exclut toutes les possibilités. On se demande, c'est un cas fameux de meurtre en chambre close, hein, ce qu'en anglais on appelle locked room mystery. Mm-hmm. Et on peut se demander, c'est la grande question que se pose Dupin, par où le meurtrier a pu s'échapper. Et Dupin fait tout un raisonnement, hein, que c'est ce que Umberto Eco appellerait une abduction créatrice, c'est-à-dire que au lieu de partir de signes, hein, de traces, d'indices, et puis ensuite de faire une déduction à partir de ces indices, il va plaquer une hypothèse et il va essayer de démontrer que cette hypothèse, aussi impossible qu'elle paraisse, ne l'est pas. Mmh. Donc il va postuler en quelque sorte, hein, c'est ce qu'il dit à un moment, et dans des termes aussi très très savants. Maintenant, amenés comme nous le sommes à cette conclusion par des déductions aussi irréfragables, nous n'avons pas le droit en tant que raisonneur de la rejeter en raison de son apparente impossibilité. C'est vraiment un raisonneur, c'est un ratiocineur. Exactement, c'est un ratiocineur, c'est ce que dit d'ailleurs le narrateur dès le début. Et donc, il va dire... Puisque il n'y a aucun passage secret, puisque les portes sont fermées, que les clés sont dedans, etc., que les cheminées, on peut pas s'échapper, etc., eh bien, il n'y a plus que les fenêtres. Donc, je vais démontrer que le meurtrier, quel qu'il soit, pour l'instant, on ne sait pas encore qui il est, est passé par les fenêtres. Mmh. Et c'est une sorte de création. Imaginaire, au sens où il va essayer ensuite de démontrer que la réalité correspond à sa théorie. Et ça, c'est une vision du monde, du coup, d'Edgar Poe. Bah, c'est-à-dire qu'il y a un élément de création, hein, c'est ce que dit Umberto Eco, hein, de création d'une solution qui va s'avérer être en effet la seule possible, mais encore une fois, il s'agit de procéder par abduction, hein, c'est-à-dire d'introduire une sorte de règle à titre d'hypothèse afin de considérer un résultat comme en quelque sorte un cas particulier qui tombe sous cette règle, c'est-à-dire que la règle est postulée au départ et ensuite le rôle du détective, et ça bien sûr Sherlock Holmes le fera sien par la suite, va consister à créer les conditions de possibilité de la règle qu'il a énoncée au départ. Est-ce que c'est une démarche intellectuelle qui est honnête pour vous? Qu'est-ce que ça signifie de penser comme ça? C'était une sorte de défi intellectuel. Je ne sais pas si c'est honnête au sens. En tout cas, c'est le moyen que trouve le détective de prouver qu'il a raison. Hein. Donc, ça consiste, qu'on le veuille ou non, à forcer un peu la réalité. Oui. Hein, c'est-à-dire que de se dire que, et là, Poe s'amuse parce que quand on regarde dans le détail, si on veut reprendre dans le détail la démonstration, elle tient à un clou, une vis, hein, et Poe d'ailleurs, vous l'avez remarqué, l'écrivain aussi des objets dans ce qu'ils ont de plus apparemment triviaux, hein, et à partir d'un clou ou d'une vis, on va démontrer son hypothèse. C'est là où il est mystificateur, un peu, pour reprendre le mot que vous employiez tout à l'heure. Bah, c'est une sorte de, j'aurais tendance, on pourrait dire, de logicien farfelu, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'excessif et de démesuré dans la démonstration mathématique. Mmh. Hein, et c'est là qu'on trouve ces deux aspects qui sont pas du tout contradictoires chez lui. Hein, c'est-à-dire ce côté-là, justement, ça rejoint ce qu'on disait sur l'arabesque tout à l'heure, c'est-à-dire ce côté extrêmement complexe sur le plan de la logique et de la démonstration, et en même temps au service d'un imaginaire débordant et complètement excessif. C'est pas un hasard si les surréalistes comme André Breton par exemple ou Magritte, hein, Magritte a fait plusieurs tableaux où il rend hommage à Edgar Poe, hein, comme le domaine d'Arnheim par exemple. Les surréalistes étaient enthousiastes vis-à-vis de Poe. Alors dans ce que vous décrivez, la manière dont Dupin finalement réfléchit, est-ce que on peut voir là l'invention par Poe d'un genre qui serait donc le genre du roman policier avec le détective qui ratiocine comme vous venez de le dire? Oui, je crois que Poe invente ce qu'on pourrait appeler une sorte de paradigme, c'est-à-dire justement un détective qui est quasiment infaillible, hein. Il y a ce côté quand même qu'on connaît maintenant, c'est-à-dire que l'une des grandes règles du roman policier moderne, au sens moderne, c'est que Sherlock Holmes ou Hercule Poirot, en principe, ne doivent pas se tromper. Dès qu'il arrive, on sait qu'il va résoudre l'énigme. C'est rassurant. L'une des grandes règles du roman policier, hein, c'est que, en principe, il y avait ce critique américain S.S. Van Dyne dans les années 20 qui avait énoncé une série de règles du roman policier. L'une d'entre elles étant que d'abord que le détective ne devait pas mourir, en principe, que le détective n'était pas l'assassin, et en même temps ne devait pas se tromper. Donc c'est vrai qu'il introduit, et c'est pour ça que le modèle mathématique est si important chez Poe, même s'il est farfelu. Parfois, c'est Clément Rosset, hein, qui, justement, dans son « À propos de l'idiotie », montre que dans Eureka, qui se veut être un traité scientifique de Poe, en réalité, ne démontre rien. Donc c'est vrai qu'il y a souvent une sorte de postulation ou de posture scientifique chez Poe qui débouche souvent sur le néant. Mais malgré tout, sur le versant du roman policier, c'est vrai qu'il invente un paradigme qu'ensuite Conan Doyle va exploiter. On pourrait rajouter, comme une note de bas de page, que quand Baudelaire décide que le premier des contes des histoires extraordinaires sera le double assassinat dans la rue Morgue, d'une certaine manière, lui aussi invente et légitime le roman policier, parce que c'est par ça qu'on ouvre le recueil. Donc c'est ça qui est le plus important. Oui, alors c'est vrai que là, le choix de Baudelaire est capital. L'histoire suivante, c'est la lettre volée, et là aussi, ça... La lettre volée est un texte extrêmement important puisqu'il introduit également une forme de détection assez subtile. Cette fois, il s'agit pas simplement c'est pas un meurtre, mais c'est un document qui est dérobé. Et là aussi, on va le choix de Baudelaire est très important puisqu'après, alors là justement, Conan Doyle lui va reprendre aussi énormément d'histoires où ce sont des manuscrits, des parchemins, des plans, même de sous-marins qui sont volés et que Sherlock Holmes va retrouver à peu près en suivant les mêmes méthodes que Dupin. Jean-Pierre Nogrette, vous restez avec nous, on va continuer de parler d'Edgar Allan Poe, mais pour le moment c'est la chronique proposée aujourd'hui par Aliette Armel. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour Aliette Armel. Bonjour. Je rappelle que vous êtes critique littéraire, essayiste et que vous faites partie de cette petite brigade qui vient régulièrement ici le jeudi livrer un point de vue subjectif sur l'auteur dont on parle ici toute la semaine et puis aussi parler d'une actualité littéraire. Vous venez donc nous parler de Poe pour commencer à travers Lou Reed et on écoute un extrait en introduction à votre chronique de son double album The Raven, du nom évidemment du poème d'Edgar Poe, poème qu'on entend ici justement. Once upon a midnight dreary, as I pondered weak and weary over many a quaint and curious volume of forgotten lore, while I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, as of someone gently rapping at my chamber door. 'Tis some visitor, I muttered, tapping at my chamber door, only this and nothing more. Muttering, I got up weakly. Always I've had trouble sleeping. Stumbling upright, my mind racing, furtive thoughts flowing once more, I there hoping for some sunrise, happiness would be a surprise. Loneliness, no longer a prize. Rapping at my chamber door, seeking out the clever boar, lost in dreams forevermore, only this and nothing more. Une lecture par William Dafoe. Alors pourquoi avoir voulu qu'on écoute cet extrait? Parce que au début des années 2000, on a eu un spectacle de Bob Wilson absolument fascinant à partir de l'œuvre d'Edgar Poe, et que ce spectacle, il était induit par la volonté de Lou Reed, qui était à l'origine du projet. Il avait déjà travaillé avec Bob Wilson, mais là, il ne s'est pas contenté de faire l'illustration musicale. C'est aussi lui qui a choisi les textes pour ce spectacle Poetry, qui a été joué au Thalia Theater de Hambourg, puis après à l'Odéon à Paris en 2000. Ensuite, Lou Reed a fait un double album, et un album qu'on a appelé album concept, enfin il rentre dans cette catégorie, qui s'intitule The Raven, qui est paru en 2003. Ensuite, il a fait un livre qui est intitulé aussi The Raven, avec des dessins de Lorenzo Mattotti, dans la collection Fiction et compagnie. Et donc c'est une volonté vraiment de s'approprier cet univers dont on vient de parler, dont on parle toute la semaine. Un critique a parlé de téméraire tentative d'annexion du sombre royaume d'Edgar Poe à la principauté Lou Reed. Alors c'est... Ça correspond aussi, je crois, à un tournant dans l'existence de Lou Reed. Ça vient pas comme ça de nulle part, Aliette Armel. Voilà, donc en fait, Lou Reed a trouvé, si on peut dire, son double en littérature, sa manière de se donner une stature littéraire. C'est ce qu'il voulait faire au début du 21e siècle. Alors, bien avant le Bob Dylan prix Nobel de littérature, Lou Reed essaye vraiment de se donner lui-même une stature littéraire. Et donc, c'est cette volonté-là. Alors, pourquoi cet univers? Parce que, en fait, c'est le questionnement « Who am I ?» qui est le dernier titre de l'album que lui-même chante. Qui suis-je? Qui suis-je? Et c'est ça, cette interrogation qu'il se fait à lui-même à travers cet univers multiple d'Edgar Poe. Qu'est-ce qui me pousse à faire ce que je ne devrais pas? Qu'est-ce qui attire irrésistiblement vers le mauvais côté, bad side? D'où viennent les forces d'autodestruction? À quoi correspond l'addiction de Reed à l'héroïne et peut-être cet hypothétique alcoolisme d'Edgar Poe? Quel est le sens de la perversité? Alors, on a parlé du chat noir avec un de vos invités. Donc, voilà, donc c'est une perversité par laquelle Lou Reed pouvait aussi se sentir concerné. D'où sort la rage manifestée dans la vie et l'œuvre de Poe et que Lou Reed pousse dans son album à plusieurs reprises très très fort. Voilà, c'est tous ces questionnements qu'il fait sur lui-même à travers l'œuvre de Poe et qui du coup donne à l'œuvre de Poe quelque chose de plus, quelque chose de... ce n'est pas une simple traduction, c'est une annexion, quelque chose qui est fait avec un autre itinéraire qui se croise et c'est magnifique. Alors, dans l'actualité que vous avez envie de nous présenter, il n'y a pas vraiment de rapport avec Poe, je crois. C'est un livre qui paraît chez Gallimard dans la collection L'Arbalète. Ça s'appelle « Tenir jusqu'à l'aube ». De quoi s'agit-il? Alors voilà, effectivement, dans l'itinéraire d'une femme solo, célibataire, avec un enfant... Dans la France d'aujourd'hui, c'est vraiment effectivement très très différent d'Edgar Poe. Par contre, ce qui m'a vraiment particulièrement intéressée dans ce livre de Carole Fives, c'est que même si elle reprend la chef de Monsieur Seguin par moment, etc., elle a vraiment un style qui est très travaillé en se donnant l'impression qu'elle rencontre du quotidien comme s'il en était directement issu. On a l'impression d'un texte qui est totalement adapté à son sujet, qui est totalement moderne et contemporain, qui est totalement parlé, qui est totalement... Et en fait, si on le regarde dans le détail, c'est vraiment quelqu'un qui dit « Le livre qui m'a le plus marqué, c'est Roland Barthes, fragment d'un discours amoureux. » Et vraiment, on retrouve ce souci du style appliqué à une écriture qui se veut vraiment d'aujourd'hui pour donner des faits féministe d'aujourd'hui. Parce qu'il faut dire qu'elle récupère des textes laissés ici aussi ou là sur Internet. Des forums. Voilà. Elle est vraiment extrêmement contemporaine. Voilà. Et sur un sujet qui est vraiment aussi extrêmement contemporain et militant, parce qu'elle le veut ainsi. Carole Fiff, Tenir jusqu'à l'aube, c'est chez Gallimard. Merci beaucoup, Aliette Merci Armel. À vous. À très bientôt. C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez et vous êtes sur France Culture. Nous parlons d'Edgar Allan Poe avec Jean-Pierre Nogrette. Et si on n'a pas encore beaucoup parlé de Edgar Poe romancier, il faut dire qu'il n'y a qu'un seul roman, que ce roman n'a jamais été terminé, bien c'est le moment de réparer cet oubli avec un extrait des aventures d'Arthur Gordon Pym, lu ici par Jean Deschamps. Nous n'aperçûmes personne à son bord, jusqu'à ce qu'il fût arrivé à un quart de mille de nous. Alors, nous vîmes trois hommes, qu'à leur costume nous prîmes pour des Hollandais. Deux d'entre eux étaient couchés sur de vieilles voiles près du gaillard d'avant, et le troisième, qui paraissait nous regarder avec curiosité, était à l'avant, à tribord, près du Beaupré. Ce dernier était un homme grand et vigoureux, avec la peau très noire. Il semblait, par ses gestes, nous encourager à prendre patience, nous faisant des signes qui nous semblaient pleins de joie, mais qui ne laissait pas que d'être bizarre. Et, souriant immuablement, comme pour déployer une rangée de dents blanches très brillantes. Le navire approchant davantage, nous vîmes son bonnet de laine rouge tomber de sa tête dans l'eau. Mais il n'y prit pas garde, continuant toujours ses sourires et ses gestes baroques. Le brick venait à nous lentement et mettait maintenant le cap droit sur nous. Et... je ne puis parler de sang-froid de cette aventure. Nos cœurs sautaient follement au-dedans de nous et nous répandions toutes nos âmes en cris d'allégresse et en actions de grâce à Dieu pour la complète, glorieuse et inespérée délivrance que nous avions si palpablement sous la main. Tout à coup, et tout à la fois, de l'étrange navire, nous étions maintenant sous le vent à lui, nous arrivèrent, portés sur l'océan, une odeur, une puanteur telle qu'il n'y a pas dans le monde de mots pour les exprimer. Infernale, suffocante, intolérable, inconcevable. J'ouvris la bouche pour respirer. Et me tournant vers mes camarades, je m'aperçus qu'ils étaient plus pâles que du marbre. Je vous voyais écouter attentivement cet extrait. Qu'est-ce qui vous retient ? Oui, justement, je l'avais moi-même choisi. Comme c'est bien fait. Je l'avais relu. Eh bien, ce qui me retient, c'est d'abord le fait que c'est le chapitre 10 des aventures d'Arthur Gordon Pym, du moins dans la traduction de Baudelaire, et ce chapitre 10 s'appelle Le brick mystérieux. Or, c'est un titre de Baudelaire. Et là aussi, c'est intéressant, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que Baudelaire opère des choix, et notamment de trouver des titres de chapitres qui n'existent pas dans le texte, dans le roman de Poe. Mm-hmm. Donc c'est vrai que Baudelaire, par là même, oriente la lecture du lecteur français qui trouve ce titre, le brick mystérieux. Et c'est vrai que c'est un brick mystérieux, puisqu'il y a là il y a un effet, c'est l'un des chapitres, il me semble, les plus marquants du roman. Roman comme d'ailleurs c'est son unique roman publié en 1838. Et là, on a un effet quasi cinématographique, puisque Pym et ses compagnons voient apparaître donc ce brick avec ils sentent après l'odeur terrible des gens qui leur font signe apparemment, qui le capitaine qui tourne la tête de droite à gauche, etc. Et qui en réalité c'est une sorte de vaisseau fantôme ou plutôt de vous vaisseau voyez qu'il y a des spectres partout de vaisseau bien sûr de vaisseau remplie hein, de cadavres et cette puanteur. Hein. Alors, il y a évidemment un effet de retournement, puisque Pim et ses compagnons sont un peu à la dérive, et voyant un bateau approcher tout naturellement en tant que marin, ils leur font des signes. Hein, et curieusement, le bateau leur fait des signes aussi. Mmh. Mais ce sont des cadavres hein, qui leur font signe, en quelque sorte. Hein, et d'où cet effet d'horreur qui et Poe insiste, hein, il dit, nous vîmes clairement qu'il n'y avait pas une âme vivante sur ce bateau maudit. Oui. Alors, c'est, vous l'avez dit, le seul roman d'Edgar Poe, il n'est pas achevé. Est-ce qu'il faut comprendre là que Poe n'a pas réussi ou n'a pas voulu faire vraiment de roman? Alors, permettez-moi de rectifier un petit peu. En fait, il est parfaitement achevé. Simplement, c'est la narration de Pym qui est inachevée. Mmh. C'est-à-dire qu'en fait, Poe a terminé son roman, mais il y a un tel effet d'imbrication. Et ça, c'est quelque chose qu'Umberto Eco, d'ailleurs, analyse très bien, la complexité de l'enchevêtrement textuel entre Pym et Poe. Alors, on a remarqué que Pym et Poe, c'était presque, hein, c'était deux noms qui se ressemblaient. Et en fait, Poe fait semblant que Pym n'a pas terminé sa relation. Parce que ça se termine de manière très évanescente, quand même. Parce qu'il est mort, justement. Mmh. Alors, là, il y a une contradiction flagrante entre la préface rédigée par Pym, lui-même, hein, enfin, en tout cas, signée par Pym, non pas rédigée par Pym, mais signée par lui, hein, qui date de juillet 1838, et puis la fin de son récit, qui débouche sur un vide, hein, sur un gouffre, et dans une note qui est rajoutée après cet inachèvement apparent du texte, en fait, Poe nous explique que, entre-temps, Pym est mort. Ce qui fait qu'on ne comprend pas comment Pym a pu à la fois rencontrer, dit-il, Monsieur Edgar Poe, à qui j'ai confié mon manuscrit, etc. Mm-hmm. Et en même temps, présenter un manuscrit inachevé, et inachevé de telle sorte que, en effet, la relation, parce que parfois on a pu traduire par la relation d'Arthur Gordon Pym, le titre anglais c'est The Narrative of, donc c'est plutôt le récit d'Arthur Gordon Pym. Baudelaire, en traduisant par Les Aventures d'Arthur Gordon Pym, laisse tomber ce côté, l'aspect narratif. Or, ça se termine par une sorte de grands mystères dont on va peut-être reparler, avec un récit suspendu, comme l'est d'ailleurs un autre conte de Poe, manuscrit trouvé dans une bouteille, hein, qui se termine là aussi sur une sorte d'impossibilité, puisque le narrateur continue d'écrire au moment même où, oui, son navire sombre, ce qui fait qu'on se demande comment il peut à la fois continuer à écrire, il termine en disant « il sombre », c'est le navire où il se trouve, et en même temps, on le voit mal, mettre son parchemin dans une bouteille, le lancer à la mer, continuer. Oui, mais alors qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que Poe a voulu faire? Ben, je pense que Poe, c'est un point qu'il faut souligner. Si on prend, par exemple, un modèle comparable, disons dans les années 1840, si on prend Charles Dickens, par exemple. On pensait que Poe l'avait lu, lisait. Poe l'avait lu. Mais le récit dickensien est plutôt stable. C'est-à-dire le narrateur dickensien, hein, si on prend David Copperfield, hein, ou Les Grandes Espérances, est plutôt stable. Hein. Il n'y a pas de remise en cause de la première personne narrative. Poe, au contraire, lui, introduit des narrateurs instables. Hein, et pire encore, ou mieux encore pour nous, il introduit des manuscrits et des récits instables. C'est-à-dire qu'il met en cause la possibilité même d'écrire et de continuer à écrire. Hein. Et donc, c'est une réflexion sur son propre travail. Ces marins qui nous écrivent. Alors là aussi, dans Gordon Pym, on trouve des chapitres qui sont. Alors là, on sait que Poe a pillé allègrement des récits de voyages de l'époque, a pris des modèles un peu comme Melville le fera pour Moby Dick ensuite, des récits de capitaines, etc. Et on trouve un chapitre qui s'appelle Exploration vers le pôle, avec tout ce qu'on peut attendre d'un récit maritime, longitude, latitude, etc. Et donc on a une apparence de fiabilité du récit qui repose sur des relations qui ont véritablement existé. Et puis dans une sorte de récit halluciné qui est Gordon Pym, on trouve vers la fin les derniers. Ce que un critique comme Pierre-Yves Pétillon a appelé une longue dérive hallucinée. Justement, il faut parler de ça, parce que c'est cette espèce d'arriver dans la lumière blanche, dans le grand blanc, et je pense que là, il y a peut-être à expliciter un petit peu cette fin quand même de Arthur Gordon Pym. Alors d'abord, en effet, oui, c'est une fin célèbre parce qu'elle pose plus de questions qu'elle n'en résout. Donc là, on trouve un Poe qui est à contre-courant de son modèle de détective, qui est censé tout résoudre. Et là, au contraire, donc dans ce dernier chapitre que Baudelaire a appelé le géant blanc, qui là aussi une pure invention de Baudelaire, on retrouve ce qui chez Poe n'est pas très bon signe, c'est-à-dire on retrouve le mode du récit, une sorte de logbook du marin qui dit 2 mars, 3 mars, 4 mars, 9 mars, et puis plus. Donc on a l'impression là aussi d'une sorte de chronique extrêmement précise du temps qui passe, et en réalité il se retrouve dans un paysage de plus en plus étrange, une poussière blanche très fine ressemblant à de la cendre tomba sur le canot et sur une vaste étendue de mer. La substance cendreuse pleuvait alors incessamment autour de nous. De funestes ténèbres planaient alors sur nous, mais des profondeurs laiteuses de l'océan jaillissait un éclat lumineux qui glissait sur les flancs du canot. Et en fait, vous avez raison, la fin du récit se transporte dans une sorte d'univers onirique avec la couleur blanche qui devient obsédante. Alors on a les critiques ont lu assez différemment cette blancheur laiteuse. Il y a à la fois un réchauffement de l'eau et une sorte d'incandescence lumineuse et laiteuse qui fait que bon, on par imagine exemple, que c'est peut-être une grande chute d'eau aussi qui alors, crée des remous et un espèce de nuage d'eau blanche comme ça. C'est ça. Donc c'est probablement en effet une sorte de cataracte. C'est ce que dit le narrateur d'ailleurs dans les dernières lignes. Il dit « Et alors nous nous précipitâmes dans les étreintes de la cataracte », mais il dit bien « étreinte ». Et donc étreinte à la fois c'est quelque chose qui est mortifère, qui va probablement le précipiter vers la mort. Mais par exemple, des lectures de type psychanalytique, je pense à Marie Bonaparte dans son fameuse étude psychanalytique de Poe, a évidemment eu tendance à lire cette blancheur laiteuse, à la fois l'eau qui devient de plus en plus chaude et laiteuse comme une sorte de retour vers le sein maternel. Donc c'est vrai qu'on arrive dans un univers absolument extraordinaire. Ordinaire, là, au sens de Baudelaire. Mais en même temps, cette blancheur, on a pu la lire aussi, cette fois-ci, du point de vue presque mallarméenne, une sorte de tendant vers une écriture, vers la page blanche, au sens justement où le récit va se terminer, mais en même temps, c'est une sorte de déperdition vers l'écriture. Il nous reste assez peu de temps pour conclure sur cette question du roman versus le conte. Est-ce que vous avez une explication sur l'absence finalement, à part Gordon Pym, de réel roman chez Edgar Poe? Je pense que Poe était sans doute plus à l'aise dans le conte, parce que justement le conte lui permettait d'illustrer sa théorie de la composition, de la philosophie de la composition, comme quelque chose de ramassé. C'est la densité qui compte. Voilà, la densité de la composition, les effets sonores, donc de d'écho, de leitmotiv, et presque incantatoire, qu'il tenait de la poésie, de son activité poétique. Donc c'est un choix, ce n'est pas l'échec de la forme longue. Je ne pense pas que ce soit véritablement un échec, ni qu'il l'ait vécu lui-même comme un échec. Mais par contre, alors là on peut dire que cet unique roman va précipiter Melville et Moby Dick. Merci beaucoup Jean-Pierre Nogrette. Parmi les nombreuses éditions que vous avez faites des livres de Poe, je signale en particulier le gros volume des histoires, essais et poèmes dans la collection Pochothèque du Livre de Poche. Et puis je signale également votre roman paru il y a tout juste un an intitulé Destination Cérès. C'est aux éditions du Visage Vert. Cette émission n'aurait pas pu avoir lieu sans le concours d'Anne-Vanessa Prévost, de Didier Pinault, de Laurence Malonda, de Stéphanie Vélin, de Laurent Travaglichanal et de Jacques Hubert. Demain, vous retrouvez la compagnie des poètes, une compagnie consacrée, vous l'entendrez, à Hélène Bessette, mais tout de suite, de la poésie également, mais choisie cette fois par Jacques Bonnafé. Bonjour à tous. Quatrième jour avec Isabelle Sbrissa. Elle vit et travaille en Suisse. On se régale. Il y a quatre dans ce nous disparate. Ici, là, voire ailleurs. Par exemple, on peut prendre la partie chanson de reste ou peut-être brique et broc en vrac, miniature anagrammatique. Ou non, le trou. Répétez les protocoles habituels pour écrire le trou. C'est une voie de travail, un mode connu pour aller vers un peu de moins connu, si ce n'est vers un peu d'inconnu. Un mode qui ancre l'expérience à vivre et me rassure. Pour trou, vé quoi ? Si l'écriture décrit la fabrique du trou, je dis, ce n'est pas suffisant. Même si je le sais, la traduction du réel dans la langue ne conserve pas le réel intact. Le réel intact, qu'est-ce que c'est ? Plus loin dans le poème, la Vita Nuova de Dante lit le poème et la prose et ce que l'un ou l'autre met au jour n'est pas identique. Premier trou. Trois coups de pioche dans cette terre toute recouverte de plantes et monte une odeur caractéristique. Comment la qualifier ? C'est l'odeur de terre. Cette odeur de terre traîne derrière elle des plantations récentes, des désherbages de parcelles potagères, des pantalons tachés aux genoux, aux fesses, des chaleurs de samedi après-midi, des courses dans le gazon. Elle semble naturellement liée au temps non compté de l'enfance, liée au bruit d'un avion que j'entends faiblement passer dans le ciel alors que tout autour de moi est plein du calme et du silence de l'été à la campagne, liée à des promenades à travers champs pour lesquelles ma sœur et moi partons sans but et sans les parents. Cette odeur de terre entraîne avec elle le brouillard de mes souvenirs, tous fondus les uns aux autres de manière désordonnée. Aux abords de ce premier trou, l'odeur de terre monte avec un brouillard de souvenirs, et cette cohésion rassurante me suggère que le monde et moi sommes faits d'une même matière. Et qu'est-ce qui monte avec les mots « odeur de terre » ? Avec « odeur de terre » monte peut-être un vers de Baudelaire. Les sons et les odeurs se répondent. Monte la rondeur de map-monde, puis l'image du globe et quelques assonances. Senteur, fleur, meurt, cœur, demeure. Plus loin dans le poème, le langage est un sens à part entière. Le sens de la distanciation du réel. Les cinq autres sens et mon corps me restituent tout ce qui au monde me mêle. À cause des mots « la fabrique du trou », je me mets à relire des bouts de ponge. Mais la terre de ponge, c'est le litré, tandis que la mienne est noire. Elle sent et j'en ai plein sous les ongles. Deuxième trou. Ah ben parce qu'elle suit sa logique, Isabelle Sbrissa, elle va creuser vraiment un deuxième trou. J'emporte la pelle pioche dans un sac à dos et je pars à la recherche d'un terrain où creuser le deuxième trou. J'aimerais m'éloigner des arbres et je ne veux pas le creuser au bord de l'eau, il y a des chiens. Personne ne creuse dans la pelouse entretenue d'un parc ni aux abords d'une zone sportive. Le champ en friche est entouré d'une barrière pour m'empêcher de creuser dans le pré et de fait, il n'y a que les corneilles qui grattent la terre là où elles veulent. J'imagine qu'on viendra me demander des comptes de voix vive, voire armée. On me dira « Qu'est-ce que vous faites là ?» Je dirai « Je creuse un trou. Pourquoi faire ? Ben, pour voir ce qu'il y a dedans. Vous vous foutez de moi ?» etc. Jacques Bonafé, merci.